traversait la forêt. Une fille belle comme les blés de l'été lui demanda: pourriez-vous m'emmener à la fontaine des fées? Qu'allez-vous faire dans cet endroit perdu? Jeune fille, ce monde est défendu. Les Korrigans disent on peut se noyer dans la fontaine des fées. Une sorcière m'a volé mon amour. Depuis je pleure chaque jour. Il reviendra s'il me voit me baigner dans la fontaine enchantée. Le jeune prince, n'écoutant que son cœur, prit le chemin du pays enchanteur. Qu'y avait-il dans l'eau claire et bleutée de la fontaine des fées? La belle se blottit contre le prince endormi. Elle était fière de ce beau serviteur. Elle sentit battre son cœur. À son réveil, la belle le regardait, lui dit bonjour, lui donna un baiser. Mon bel amour, je ne veux plus aller à la fontaine.